De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Alors, il y avait de la grande visite aujourd'hui à l'Université Laval. Le département de chimie, le collège Mérici et l'INAF recevaient conjointement le physico-chimiste Hervétis, le célèbre fondateur de la gastronomie moléculaire, dont on entend si souvent parler dans les émissions de cuisine à la télévision. Alors, Jean-Daniel Doucet et son invité étaient là à cette rencontre cet après-midi. Alors oui, merci François. Donc on est en studio avec Éric Ayala Bribriesca. Est-ce que je prononce bien Oui, c'est bien fait. Oui, pardon, mon espagnol est un petit peu rouillé. Alors Éric, nous étions cet après-midi à la conférence d'Hervétis au pavillon Alexandre Vachon à l'Université Laval et il nous a parlé cet après-midi de la science qu'il a fondée, la désormais célèbre gastronomie moléculaire. On sait que depuis sa fondation en 1988, la gastronomie moléculaire a fait pas mal de chemin. Elle a aussi beaucoup été galvaudée, je pense qu'elle a été reprise à plusieurs sauces, sans faire de mauvais jeu de mots. Peux-tu nous résumer un petit peu, Éric, c'est quoi la gastronomie moléculaire pour les gens qui sont en train de souper à la maison? Oui, ben, bonsoir. Oui, la gastronomie moléculaire, il faut s'entendre, c'est pas un style de cuisine. C'est pas de manger des petites assiettes, là. Ça, c'est pas ça. La gastronomie moléculaire, c'est une science. Et c'est la science qui étudie et qui va décrire les phénomènes qui se passent en cuisine. Mais c'est avec le seul but de comprendre les mécanismes et pas de faire des plats. Quand on fait un plat, on va utiliser les connaissances générées par cette science et on va les appliquer. Donc, on va faire de la technologie, on va utiliser une technologie. Et à ce moment-là, on pourra parler, si on veut, des cuisines moléculaires ou de toutes ces tendances-là. Mais la gastronomie moléculaire, c'est une science. Okay. Donc, il y a vraiment une nuance entre gastronomie moléculaire et cuisine moléculaire. Des fois, on confond un peu les deux. C'est pas la même chose. Tout à fait. La cuisine, c'est de la cuisine. D'accord. La gastronomie moléculaire, c'est une science. Okay. Donc, et cette cuisine moléculaire, moléculaire-là va découler de ce qu'on a découvert ou des questions qu'on s'est posées en gastronomie moléculaire. C'est bien ça, si je comprends bien? Oui. Et ces questions-là, en fait, ce qui distingue la gastronomie moléculaire des autres sciences des aliments, c'est exactement parce que les problématiques de recherche dérivent des observations qu'on a dans les milieux culinaires. Comme dans toute science, en fait, on observe un phénomène, on observe que le ciel est bleu dans le ciel, on se pose pourquoi ça se passe comme ça, et on fait des expériences pour y répondre. C'est un peu le même principe. Exactement. Par exemple, on peut se poser la question, pourquoi si mon cul de poule est sale, je suis pas capable de monter une meringue? Et c'est vrai, ça, on peut pas, on n'y arrive pas. Mais ça dépend, c'est quoi la saleté? Okay. Si la saleté, c'est de l'eau, ça ne dérange pas. Mais ouais, bon, de l'eau un peu sale. Donc, ça se lave assez bien. Exactement. Mais par exemple, s'il y a de l'huile, là, on peut avoir du mal à monter une meringue. Pourquoi? Parce que l'huile va empêcher cette mousse de se former. Ah, d'accord. Cause donc... les protéines vont, au lieu d'incorporer de l'air, ben, vont vouloir s'associer à l'huile, fait qu'elles ne seront pas disponibles pour monter une mousse. Ah, d'accord. Donc, l'huile va un peu faire descendre toute cette mousse-là, descendre les protéines, si on veut, empêcher la mousse de se former. Exactement. Donc, à ce moment-là, ben, on peut dire que le dicton culinaire, il faut pas qu'il y ait de l'huile dans ton œuf quand tu vas le monter, dans tes blancs d'œufs, est vrai, mais bien sûr, ça prend une quantité minimal pour avoir l'effet néfaste sur la mousse. Donc, si on n'a pas suffisamment d'huile, on ne verra pas nécessairement d'effet, c'est un peu ça. Exactement. Ah. Donc, mais tout ça, ça découle, ben, c'est des mécanismes des solubilités, des polarités, de tout ça, qui vont faire en sorte que les molécules vont se comporter d'une façon différente. Et c'est dès là que y arrive le côté moléculaire. OK. Donc l'aspect d'étudier la cuisine qu'on utilise depuis des millénaires, mais d'amener un aspect rigoureux, je dirais, donc de vraiment procéder de façon systématique, ce qu'on a plus ou moins jamais fait, où on y allait un peu au sentiment ou à l'observation générale. C'est un peu ça, dans le fond. Oui, mais dans les dictons culinaires, il faut quand même dire qu'il y a des choses qui sont fausses, qui ont l'air fausses et qui sont fausses, okay. Ou il y en a qui sont vraies, qui ont l'air vraies et sont vraies, mais il y a toutes les combinaisons possibles. Il y a quelque chose qui pourrait avoir l'air vrai, mais que c'est faux, ou que c'est faux, qui a l'air faux, mais que ça a l'air vrai. Est-ce qu'il y a d'autres mythes comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure de la mousse du savon dans le cul de poule? Est-ce qu'il y en a d'autres, des mythes comme ça qui ont été étudiés dans les dernières années par la cuisine moléculaire qui apporte des solutions concrètes, je dirais, pour les gens à la maison ou qui explique des choses pour les gens à la maison? En fait, il y en a beaucoup, mais un exemple qui est très courant, par exemple, il y a les marinades de viande. Oui, oui. Pourquoi qu'on marine une viande? Moi, je marine ma viande pour l'attendrir. En fait, en général, quand je fais mon barbecue l'été, c'est ce pourquoi j'essaie de l'attendrir. OK. Alors, si le but unique, c'est d'attendrir la viande, on n'a pas besoin de la mariner. On a juste à mettre des enzymes qui vont détruire les protéines. Et ça, ça va les attendrir. Par exemple, la papaïne, ça, les attendrisseurs de viande, ça s'achète à l'épicerie. Ah, vraiment? OK. Donc, mais ça donne aucun goût. OK. Ah, parce que c'est là aussi. Parce que là, oui, d'une part, souvent, les gens ont raison, quand on se fait un barbecue, on va vouloir attendrir la viande, mais on va aussi vouloir lui donner du goût en même temps. Okay. Et ça, dans ce cas-là, est-ce que ça fonctionne? On lui donne du goût pour vrai ou? Ben oui, on lui donne du goût. Par contre, souvent, on va dire, il faut la faire mariner longtemps, la viande. Ben, ça a été prouvé. Et ça, c'est des vraies recherches, puis c'est documenté dans la littérature, qu'un muscle qui est intact, c'est-à-dire qui n'a pas été percé, qui n'a pas été coupé. On a une belle pièce de viande lisse. Complète. Exactement. Fraîche. On va dire un filet de porc entier. OK. Mm-hmm. Oui, oui. Parce qu'on peut bien visualiser la surface lisse. Exactement. On voit la surface lisse. C'est prouvé que, pour que la marinade pénètre, c'est quelque chose en tout. La vitesse de pénétration est extrêmement lente. On parle de 1 ou 2 mm aux 24 heures. 24 heures. OK. Et on sait qu'on recommande. Généralement, les gens vont faire mariner la viande peut-être un jour ou deux. Donc on pénètre uniquement de quelques millimètres. Alors, à peine. Alors, c'est que la surface qui peut être attendrie, pas l'intérieur à ce exactement, moment-là. Exactement. Exactement. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, un coup qu'on a mesuré ça, ben on s'est dit, ben pourquoi se donner du trouble ou dire stressé parce qu'il faut mariner la viande des heures et des heures d'avance? La marinade, si on la met 5 minutes avant, puis ça va être à peu près la même chose. Ah oui, vraiment. Ah, okay. Donc, si on est dernière minute, on a mal prévu notre repas, c'est pas grave, on peut quand même s'en sortir en marinade dernière minute. Mais un coup qu'on comprend comment le système fonctionne, ben là, on a bien dit une pièce intacte de viande. Voilà. Okay. Oui, mais qu'est-ce qui arrive si, pour les gens qui viennent faire des trous là, dans leur viande? Exactement. Mais mettons, peut-être pas nécessairement des trous, mais si on coupe le filet de porc à médaillon, quand vous voyez la viande du côté transversal à la fibre et vous l'ouvrez, vous voyez la fibre. Alors, la marinade, quand vous la mettez, à ce moment-là, elle est capable de pénétrer ces interstices-là. Ça va aller dans la structure de la viande, mais pas dans la fibre des viandes. C'est juste vraiment, on dirait, dans les fentes, dans les craques des viandes. Et pour ça qu'on va dire que cette viande-là va être marinée de partout. Et là, si on augmente la surface comme ça, ben la pénétration 2 mm s'est fait mieux parce que à ce moment, on a plus partout de surface qui vont avoir accès à la marinade à ce moment-là. Alors, ça c'est un exemple d'un dicton qui est faux, mais dans certaines conditions, c'est-à-dire une viande qui est coupée devient vraie. Mm-hmm. Donc la gastronomie moléculaire vient répondre un peu à ces mythes-là qu'on a et donner des réponses pratico-pratiques pour la cuisine. Il y a aussi, dans la cuisine moléculaire, un aspect spectacle, si on veut. Ben, dans la cuisine moléculaire, oui. Dans la gastronomie moléculaire, non. Non, c'est ça, OK. Et donc, on utilise des concepts scientifiques pour présenter la nourriture un peu de façon différente. C'est un peu ce qu'on voit, là, par exemple, dans les kits de cuisine moléculaire qui se vendent ou dans les émissions de télévision. Oui, ou les nouvelles techniques, ça, on le voit même dans des magasins. Ils vendent des machines sous vide pour la maison et ils vont mettre un récipient qui vient avec pour mariner la viande. Qu'est-ce que ça fait, ce récipient-là? Ça dit ça accélère la pénétration de la marinade. Mais simplement qu'on fait un vide dans le système. Et quand on relâche la pression, cette pression qu'on fait rentrer dans le plat permet de pousser la marinade dans les interstices, à l'intérieur des fentes. Mais si vous avez une pièce de viande entière qui n'a pas été coupée, ça ne changera rien. Votre viande ne sera pas plus marinée. Il faut qu'elle soit coupée. C'est super intéressant. Éric, j'aimerais t'amener un petit peu ailleurs, peut-être un dernier sujet en terminant. Dans la conférence d'Hervétis, pour Hervétis, en fait, la cuisine moléculaire, c'est mort. C'est tellement dépassé. C'est dépassé. Hein? On est, moi qui commençais à me faire la main avec la cuisine moléculaire, déjà je dois passer à autre chose. On est maintenant rendu à la cuisine note à note. Alors, qu'est-ce que la cuisine note à note? On n'est pas rendu à faire de la cuisine avec des instruments. Là. Non. En fait, note à note, c'est un peu une analogie par rapport à la musique électroacoustique, qu'on génère note à note. Il n'y a plus de violon, il n'y a plus de trompette. C'est des notes, des ondes sonores qu'on va assembler pour produire un ensemble qui s'appelle mélodie. Dans le cas d'un plat note à note, on va prendre des molécules, des espèces chimiques, des fractions purifiées. Donc à partir de produits purs, ou des fractions relativement pures, okay. on va faire des assemblages comestibles et qui vont générer un plat. Et vu qu'on va avoir choisi la couleur, la texture, la forme, la saveur, l'arôme, le croquant, le trigéminal, c'est-à-dire le piquant, le froid, On crée de nouveaux aliments carrément avec tout ça, là. Oui, on va avoir un produit, mais on peut l'appeler comme on veut, hein. Il y a quelqu'un qui a amené, il a cuit des œufs, il a appelé ça un flan. Mais vous pouvez faire une création note à note comme ça et l'appeler mur, si vous voulez, là. Okay. Comme, peu importe. Est-ce que c'est une cuisine qui se répand dans les restaurants? Est-ce qu'on peut goûter à cette cuisine-là dans la ville de Québec, par exemple? Ou? À ma connaissance, il n'y a pas encore des restaurants qui font des plats affichés comme note à note tel quel. Peut-être ça va venir. Je sais qu'il y a beaucoup de tendances à ce niveau-là. Puis il y a des bons restos qui seraient bien capables de prendre cette charge en main. Parce qu'on a beaucoup de restaurants de cuisine moléculaire à Québec, oui. Si je me trompe pas. Donc j'imagine que c'est le genre de restaurant qui pourrait tirer tout ça. Par contre, une grande restriction de la cuisine note à note, c'est que les aliments traditionnels, comme on les connaît, c'est-à-dire du céleri, de la carotte, de la viande, du poisson, tout ça... Ça rentre plus dans la cuisine note à note. OK. Donc, c'est un défi comme cuisine. Hein? C'est un défi. Il est un défi détail. Oh, Colin. Et on parle... Là, on parle de cuisine note à note. Tu parles de produits purifiés, purs. Là, on parle de produits chimiques. Et dans la tête des gens, et même dans la tête, dans ma propre tête, produits chimiques sont souvent un peu toxiques. Oui, mais il faut... Est-ce que ça peut être dangereux, la cuisine note à note, en fait? Ben, ça pourrait être dangereux. Si vous buvez 10 litres d'eau à l'intérieur d'une heure, vous pouvez mourir. Puis c'est de l'eau. Alors, toujours, il y a une question des doses, puis il y a une question des responsabilités aussi. Okay. Mais il faut s'entendre, là, quand on parle de produits chimiques, là, je ne veux pas vous faire peur, là, mais du chlore de sodium, du bicarbonate de sodium, du sucrose, du glucose, ça, c'est toutes des molécules individuelles, là, c'est des molécules pures, si on veut. Là. Puis on en a dans nos cuisines déjà. Okay. L'huile, c'est une fraction huileuse extraite. OK. Donc, nos cuisines sont déjà chimiques, alors c'est pas nécessairement un changement énorme. Ben, étant chimiste, tu sais, hein, des molécules, il y en a partout. Il y en a partout. Cuisiner, c'est un peu faire de la chimie, effectivement. Peut-être, en terminant, est-ce que tu penses, Éric, que la cuisine note à note, cette cuisine du futur-là, est-ce que tu penses que ça va se répandre dans les restaurants et même dans la pratique des gens, en fait? Je pense pas qu'on va être rendu à avoir des restaurants qui font que du note à note, mais je pense que l'utilisation de certaines molécules et certaines techniques, certains ajouts, va se répandre, puis éventuellement on n'en parlera même plus. Tu sais, comme on parle pas de ah mais tu mets de la vanilline, bon, on le fait, c'est tout. C'est juste que on va élargir notre spectre d'ingrédients des bases et on va les incorporer dans nos aliments pour les rendre plus à notre goût. Parfait. Ben merci beaucoup, Éric, pour toutes ces informations là, pour ces précisions sur la cuisine note à note et la cuisine du futur. Je rappelle que Éric Ayala Bribieska est chimiste et étudiant au doctorat en sciences et technologies de l'alimentation. C'est aussi un expert en vulgarisation de la gastronomie moléculaire. Merci beaucoup, Éric, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et on passe en musique à CKRL à l'instant.